une fille de l'ombre, une fille de l'ombre. C'est une fille de l'ombre entre ses sens et ses sons. C'est une fille de l'ombre, c'est une fille de l'ombre. C'est une fille de l'ombre entre ses cuisses et ses sons. C'est une fille de l'ombre entre ses cuisses et ses sons. Entre ses sens et ses sons. C'est une fille de l'ombre. C'est une fille de l'ombre. C'est une fille de l'ombre. Fille de l'ombre. Une fille de l'ombre. Fille de l'ombre. Fille de l'ombre. Fille de l'ombre. Puis-je mourir à l'ombre de toi? Puis-je dormir à ton ombre? C'est une fille de l'ombre. C'est une fille de l'ombre. Que ce soit, c'est ce soit. C'est une fille de l'ombre. C'est une fille de l'ombre. Que ce soit, c'est ce soit. Et je sombre. Et je sombre. C'est une fille de l'ombre. C'est une fille de l'ombre. C'est une fille de l'ombre, c'est une fille de l'ombre, c'est une fille de l'ombre, c'est une fille de l'ombre, c'est une fille de l'ombre, c'est une fille de l'ombre. Et qu'elle a. Lèvres sur les lèvres sur les lèvres sur les lèvres. Oh.